السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous sommes aujourd'hui بإذن الله عز وجل de par sa grâce subhanahu wa ta'ala dans notre troisième et dernière assise autour de la traduction de l'allocution de notre noble cher Ahmed ibn Suleyman Bahadoukhoun, hafazahullah, dans l'allocution qu'il nous a fait l'honneur de nous accorder concernant la conciliation entre le fait d'étudier le savoir, de se consacrer à la science et de gagner sa vie. Nous allons aborder, bi'idhnillah, dans cette troisième et dernière assise de cette modeste série de traductions. Nous allons y aborder, bi'idhnillah, les bénéfices du fait d'avoir justement une rentrée d'argent, d'avoir une source de revenus, d'avoir un moyen de gagner sa vie, le fait d'avoir un travail. Parmi les bénéfices que le cheikh mentionna, il mentionna premièrement que le fait d'avoir une source de revenus, d'avoir un travail, permet de se passer des gens. Et ceci permet de se préserver du fait qu'ils nous rappellent leur bienfaisance. C'est-à-dire que certaines personnes, lorsqu'ils nous donnent de l'argent, après, ils nous le rappellent. Nous rappelle qu'ils nous ont donné telle chose, telle chose, telle chose. Le fait d'avoir une source de revenus indépendante des gens par le fait de travailler, ceci nous permet d'être préservés de leur mal, de leurs méfaits, de leurs torts, et d'être préservés du fait qu'ils nous rappellent sans cesse leur bienfaisance à notre égard. Donc ceci est un moyen de préserver sa personne, de marcher la tête haute du fait qu'on n'a pas eu à mendier à qui que ce soit. Et ça préserve également qu'on nous fasse le rappel. On nous rappelle le fait qu'on nous ait prêté telle chose ou qu'on nous ait donné telle chose. Car même parmi les gens, il y en a qui, lorsqu'ils te prêtent de l'argent, donc ils t'ont prêté, tu leur as rendu ce qu'ils t'ont prêté, ils te rappellent le fait qu'ils t'ont prêté auparavant de l'argent. Donc le fait d'être indépendant financièrement des gens permet de se préserver dans cet aspect-là. Et donc en ayant de quoi gagner sa vie, on se passe des gens et l'individu donc est fier et... Toute personne qui a une conduite noble n'aime pas qu'on lui cause du tort ou qu'on lui rappelle le bien qu'on lui a fait. Donc, dans l'acquisition des biens par le travail, il y a une forme d'indépendance. Et il mentionna un hadith rapporté dans le Sahih dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, et rapporté par Az-Zubair ibn al-Awwam, radiallahu anhu, majma'in, dans lequel il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: que l'un d'entre vous prenne une corde et aille chercher du bois et qu'il le porte sur son dos avec cette corde en fagot, c'est-à-dire en tas de bois, pour le vendre et ainsi garder la tête haute est meilleur que de quémander. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué que le fait de mendier et la quémande, le fait de quémander aux gens est quelque chose de blâmable. Deuxième bénéfice que l'on obtient par le fait d'avoir une source de revenus, par le fait d'avoir un travail, d'un moyen de gagner sa vie, ceci permet d'avoir l'esprit serein. Ceci aide à se préoccuper et à se focaliser sur le savoir. Car la personne qui a ce travail ou ce moyen de gagner par lequel il gagne sa vie peut avoir l'esprit clair. Il n'est pas perturbé. Et ceci l'aide à se consacrer, à se focaliser sur la quête du savoir. Tandis que celui qui n'a pas assez de quoi, il n'a pas suffisamment de revenus pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas de rentrée d'argent, qu'il n'a pas de moyens de gagner sa vie correctement, alors lui, il est souvent soucieux, préoccupé, angoissé. Troisième bénéfice qui découle du fait d'avoir un travail, d'avoir une rentrée d'argent, une source de revenus, ceci permet d'être ferme sur la vérité, sur le suivi de la vérité, sur le fait d'être sur la vérité, le fait de la proclamer, de la suivre et d'y appeler. Car il mentionna que beaucoup d'étudiants en sciences, et beaucoup parmi les prédicateurs, beaucoup d'entre eux ont renoncé au fait de suivre la vérité, de proclamer la vérité, d'appeler à la vérité, par crainte de perdre leur statut, leur salaire ou leurs aides financières qu'ils reçoivent de certaines personnes. Ils ont donc eu peur, ils étaient comme des captifs. Ils ont eu peur de perdre leur emploi, leur poste au sein des mosquées ou les postes d'enseignement. Ils ont donc renoncé à dire la vérité, car ceux dont ils dépendent financièrement se sont égarés et ils ont craint de se dissocier d'eux et de les abandonner pour suivre la vérité. Ils ont craint qu'en conséquence de leur proclamation de la vérité, que le cheikh dont ils dépendent financièrement, ou yani il leur coupe les vivres, comme on dit, ou qu'il soit chassé de la mosquée, et que donc on pourrait lui causer du tort parce que il aurait proclamé la vérité et que ce tort se manifesterait par le fait de cesser de lui donner de l'argent, que ce soit une aide financière ou peut-être même un salaire mensuel qu'il reçoit. Et il mentionna chez Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah, une parole de sagesse qui disait que celui qui n'a pas de profession essaiera de gagner sa vie à travers sa religion. Mais il expliqua que ceci n'est pas absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas absolu, yani que toute personne qui yani est dans un cas où il gagne sa vie par rapport à sa religion n'est pas forcément quelqu'un qui est blâmable ou qui sera dans la concession religieuse. Mais cependant, beaucoup d'étudiants malheureusement tombent dans ce mal, le fait de faire des concessions pour la dunya. Et donc, le serviteur d'Allah se doit de patienter sur la vérité et sur le fait qu'en suivant la vérité, en la proclamant, il sera peut-être amené à perdre certains bénéfices mondains et pécuniaires, de par son suivi et sa fermeté sur la vérité. Et l'étudiant en science se doit de patienter sur cela. Et malheureusement, beaucoup se sont fanatisés et ont suivi un cheikh dans son égarement parce qu'il recevait un salaire de lui ou il recevait une aide financière de lui. Donc, ils n'ont pas osé s'opposer à lui, ils l'ont suivi et se sont fanatisés pour lui dans son égarement. Également, des fois, par exemple, ce qui pousse un étudiant à suivre son cheikh dans son égarement, c'est le fait que le cheikh lui a donné la dirigeance sur une mosquée, et qu'il a peur d'en être chassé s'il viendra s'opposer à son cheikh pour l'égarement par lequel son cheikh s'est distingué et qu'il a manifesté. Et le problème, c'est que le fait de faire des concessions est un égarement. Et l'égarement mène à d'autres égarements. Et au final, on voit que certains étudiants se sont fanatisés, se sont sectarisés pour l'égarement. Et donc, dans le fait de gagner sa vie de façon indépendante, il y a une liberté de pouvoir dire la vérité, de la proclamer ouvertement, sans avoir à faire de concession. Et il mentionna que Ibn al-Qayyim a rapporté de Ibn Battah, rahimahullah, qui rapporta de l'imam Ahmed que celui qui souhaite se mettre en avant pour délivrer la fatwa, c'est-à-dire devenir un mufti dans une localité et émettre des fatwas, il ne doit pas le faire tant qu'il n'a pas réuni en lui-même cinq caractéristiques. Donc, c'est-à-dire avant de se livrer à la fatwa, de s'adonner à la fatwa, à émettre des avis juridiques, il se doit d'avoir cinq caractéristiques réunies en lui. La première, c'est le fait d'avoir une bonne intention. La deuxième, c'est d'avoir de la science, qu'il ait une science qui le rende apte, c'est-à-dire qu'il ait de la science, qu'il soit doux, qu'il soit calme et qu'il ait de la prestance. Et donc, qu'il ait une science qui le rend apte à cela. Troisièmement, le fait qu'il soit quelqu'un de fort, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas faible dans sa personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui a une forte personnalité. Quatrièmement, et c'est le shahid, c'est-à-dire le point qui nous concerne dans notre discussion, et qu'il ait de quoi se dispenser des gens, c'est-à-dire qu'il ait suffisamment de revenus pour pouvoir se passer de l'aide des gens. Cinquièmement, une bonne connaissance des gens, c'est-à-dire qu'il connaisse bien la situation des gens autour de lui. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, après avoir mentionné cette narration de l'imam Ahmed, il décrivit et expliqua ces cinq caractéristiques, notamment la quatrième, le fait que celui qui veut se mettre en avant pour délivrer la fatwa et transmettre des avis juridiques, il se doit d'avoir de quoi se dispenser des gens. Et il expliqua cela en disant, car si le mufti n'a pas d'indépendance financière, il aura alors besoin que les gens lui donnent de ce qu'eux possèdent. Et chaque fois qu'il acceptera de prendre de leurs biens, eux mangeront de sa chair et de son honneur en conséquence de façon encore plus importante. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun fit la mention d'une narration de Sofiane Athaouri dans le propos d'Ibn al-Qayyim, qui mentionna une parole de Sofiane Athaouri qui avait de l'argent. Il avait de l'argent et ça lui permettait d'avoir une certaine forme d'indépendance financière vis-à-vis des gens. Et il avait dit concernant cet argent qu'il avait que si ce n'était par la cause de cet argent, les gens auraient fait de nous leur mouchoir. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a mentionné dans un autre passage que le savant, s'il s'est vu accorder des biens le dispensant des autres, c'est-à-dire une autosuffisance financière, s'il s'est vu accorder des biens le dispensant des autres, alors ceci est pour lui une aide afin de pouvoir se conformer à son savoir. Tandis que s'il dépend financièrement des gens, Alors il verra sa science périr devant ses yeux. Le quatrième bénéfice qui découle du fait d'avoir un travail, d'avoir une source de revenus, le fait de pouvoir faire preuve de largesse, de dépenser, être bienfaisant envers sa famille en leur achetant des bonnes choses et des choses qui sont licites. Et également être bienfaisant envers les parents. Car parmi les formes et les manifestations du maintien des liens de parenté, il y a une forme de maintien des liens de parenté par le fait d'utiliser des biens, d'utiliser son argent. Et il mentionna que Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionna le verset du Coran, le verset numéro 28 de Sourate Al-Isra, dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, selon le sens approximatif du sens en français, que si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, adresse-leur donc une parole bienveillante. Il expliqua ce verset, c'est-à-dire si tu t'écartes d'eux, c'est-à-dire yani, si tu cesses d'aider financièrement tes parents, de par le fait que tu es pauvre, tu n'es pas en mesure de les aider, et à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, c'est-à-dire que tu espères une miséricorde de ton Seigneur, c'est-à-dire que tu espères obtenir de la part d'Allah une subsistance, dis-leur alors, adresse-leur une parole bienveillante, c'est-à-dire une parole telle que une parole telle que, ô mes parents, patientez le temps que je gagne de l'argent et que je sois en mesure de dépenser pour vous. Et le fait de travailler, si ceci est une nécessité pour l'étudiant en sciences, il n'y a aucun mal à cela. Mais il ne doit pas non plus ruiner et renoncer au savoir, renoncer au savoir, et perdre son temps de façon, yani, abusive et négligente. Et l'étudiant doit avoir une source de revenus, s'il en a besoin. Et celui qui a ce qu'il lui faut, alors, s'il a de quoi répondre à ses besoins, alors qu'il se consacre à l'étude du savoir et patient sur la difficulté. Et celui qui connaît réellement la valeur du savoir, c'est-à-dire son importance, son rang, sa noblesse, et le grand besoin qu'ont les gens vis-à-vis de l'apprentissage de la science, alors celui qui connaît ce genre de choses, les difficultés de la vie passée dans l'étude du savoir et dans l'enseignement du savoir, lui paraîtront insignifiantes. Et les savants ont dit que l'étudiant en sciences qui se consacre au savoir et qui ne travaille pas car il est occupé par le savoir, par l'apprentissage de la religion, il peut recevoir de la zaka. Il fait partie des bénéficiaires et des ayants droit à la zaka, à l'aumône obligatoire. Non, car il est considéré comme étant dans le sentier d'Allah. Et le cheikh rappela le hadith d'Abu Bakr, dans lequel il est fait mention du fait qu'Abu Bakr, lorsqu'il se consacra aux affaires des musulmans par le fait de devenir le calife des musulmans, alors il renonça à son travail car trop préoccupé par le fait de diriger les musulmans et pris de l'argent de Baytul Mal, du trésor public. Et les savants ont dit que l'enseignant, celui qui enseigne la religion, peut recevoir un salaire pour cela, s'il n'a pas ce qui lui est suffisant pour vivre. Donc il reçoit soit du trésor public, c'est-à-dire le gouverneur s'occupe de ce savant, de cet enseignant, celui qui enseigne la religion, soit le gouverneur directement pourvoit à ses besoins par l'argent du trésor public, ou alors il reçoit de l'argent, il y en a par rapport à il y en a ceux qui allouent ses services. Et il incombe au gouverneur, et bien entendu le cheikh parle au gouverneur des musulmans, il incombe au gouverneur musulman de subvenir aux besoins des gens de science et des prédicateurs. Et donc, recevoir un salaire pour l'enseignement religieux est un sujet connu auprès des gens de science. Et ceci est permis selon la majorité des ulémas. En effet, il mentionna, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, fit la mention d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, alayhi salatu wa salam, le salaire dont vous êtes le plus en droit de recevoir est celui que vous obtenez par le livre d'Allah. Et donc, ce cheikh expliqua ce hadith en disant que si ceci est concernant le salaire perçu pour l'enseignement du Coran, qu'en est-il donc pour l'enseignement des autres éléments de la religion? Donc, ceci donc est permis, et ceci est l'avis de la majorité des ulémas, la majorité des savants. Et ceci est une des fatwas émises par l'imam Ahmed dans ce sujet. Et ceci est l'avis considéré comme étant prépondérant auprès de cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, cheikh Abdelaziz Ibn Abdallah Ibn Baz, rahimahullah, et beaucoup d'autres parmi les ulémas. Et surtout dans le cas où l'enseignant Ce qui l'empêche de travailler est le fait qu'il se consacre à l'enseignement. Mais il y a une condition, c'est que son enseignement soit accompli sincèrement pour Allah. Il ne faut pas que la seule motivation de cet enseignant, par son enseignement, par son acte d'enseigner, soit de simplement gagner sa vie, yani d'enseigner en tant que profession, par laquelle il y a une profession et par une modalité par laquelle il obtient un salaire. Mais plutôt, il utilise l'argent qu'il perçoit comme une aide lui permettant de se consacrer à ce qui est relatif au savoir, c'est-à-dire l'apprentissage ou l'enseignement. Et il mentionna une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans laquelle il expliqua que lorsque les savants se disputèrent concernant le jugement de la perception d'un salaire pour l'enseignement du Coran, il y eut trois avis au sein de l'école juridique de l'imam Ahmed et d'autres que lui. Et la parole la plus juste est que ceci est licite pour celui qui en a besoin. Il mentionna une narration, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Badouchon fit la mention d'une narration de l'imam Ahmed, Ibn Hanbal, rahimahullah, dans laquelle l'imam Ahmed, rahimahullah, a expliqué que recevoir un salaire pour l'enseignement religieux est meilleur que de recevoir des dons du sultan. Et que les dons du sultan étaient meilleurs que le fait de recevoir des dons de nos frères. Ensuite, Cheikh Ahmed Badouchoun Hafidhahullah a expliqué en ce sujet en mentionnant une fatwa de Cheikh Abdelaziz Ibn Abdel Ben Baz. Donc, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, le grand savant, le savantissime Cheikh Abdelaziz Ibn Abdel Ben Baz, fut interrogé sur le jugement du salaire perçu pour l'enseignement du Coran. Suite à cette question, il répondit en disant qu'il n'y a aucun mal à percevoir un salaire concernant l'enseignement du Coran et l'enseignement de la science religieuse, car les gens sont dans le besoin de se voir enseigner. Et du fait que l'enseignant, de par la difficulté, peut renoncer et arrêter l'enseignement pour pouvoir travailler. Donc en percevant un salaire pour l'enseignement du Coran, sa mémorisation et l'enseignement de la religion, alors ce qui est correct, c'est qu'il y a en cela aucun problème. Et il mentionna le hadith de la ruqya, prouvant que l'on peut percevoir un salaire sur la ruqya, pour une ruqya. Et donc ceci est un argument prouvant le fait de pouvoir recevoir un salaire pour l'enseignement de la religion. Note du traducteur. Le cheikh Ahmed Badouhoun ne fit pas la mention de ce hadith. Mais quel est ce hadith? Le hadith de la ruqya est un hadith. Et ici, je fais une parenthèse. C'est un hadith dans lequel il est rapporté que les Sahaba, radiallahu anhum, yani demandèrent l'hospitalité à des gens. Et ils la leur refusèrent. Ils refusèrent de leur accorder l'hospitalité, de les accueillir chez eux. Et ensuite, ces mêmes personnes-là vinrent à eux et se plaignirent de la situation de leur leader, de leur chef, le chef de leur localité, qui avait été attaqué par un animal. Et il subissait les effets du poison de par la morsure ou la piqûre de cet animal. Et donc, il en subissait les effets, il en souffrait et ils espéraient que peut-être ils avaient un moyen d'être une cause pour lui de guérison. Ils lui dirent, nous vous avons sollicité et nous avons demandé l'hospitalité, vous nous l'avez refusé. Donc, nous ne vous aiderons qu'en échange d'un salaire. Ils se mirent d'accord sur un salaire, qui était un certain nombre d'animaux parmi les animaux du bétail. Et suite à quoi, un des Sahaba récita sourate al-Fatiha sur cet individu. Et il fut rapporté dans la description de la réaction qui en suivit que cet individu qui était auparavant souffrant des effets du poison se leva comme quelqu'un dont on défait les liens, c'est-à-dire comme s'il n'avait plus rien. Il s'est levé comme s'il n'avait plus aucun effet dont il souffrait. Et donc, suite à cela, ils reçurent le salaire sur lequel ils avaient convenu, et sur lequel ils s'étaient mis en accord. Et ils voulurent partager le butin entre eux, entre guillemets, le salaire entre eux. Et un d'entre eux dit, nous ne ferons rien et nous partagerons rien tant que nous ne sommes pas concertés avec le messager d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut alors sollicité concernant cette affaire. Et il leur a dit, qu'est-ce qui vous a fait savoir que c'était une ruqya? C'est-à-dire en parlant de sourate al-Fatiha. Il leur a dit, donnez-moi une partie de ce salaire. Donc ce hadith est une preuve concernant le fait que l'on peut percevoir un salaire pour avoir fait la ruqya. Et donc ceci fut un argument mentionné par Cheikh Abdelaziz Ibn Abdel Ben Baz concernant la légitimité de la perception d'un salaire pour l'enseignement du Coran et ou de la religion. Fin de parenthèse. Et donc, Cheikh Ahmed Badouchon, hafidhahullah ta'ala, a expliqué que donc tout ceci est de par l'importance du savoir, l'importance de son apprentissage. Et il convient à tout individu qu'il fasse des efforts dans l'apprentissage et dans l'enseignement de la science. Et s'il a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins, yani à ceux, surtout plutôt à ceux de ceux qui sont à sa charge, qui sont sous sa responsabilité, alors ça peut lui devenir alors une obligation pour lui de travailler. Non. Et le cheikh donc fit la conclusion de cette épître, de cette allocution, et nous avons donc terminé notre traduction. Et j'ai posé une question au cheikh, ou plutôt même plusieurs questions. Je vais en traduire ici plusieurs, car j'ai interrogé le cheikh en lui posant des questions qui m'ont été envoyées et des questions qui émanent de ma part, souhaitant le bénéfice des auditeurs. Et donc, parmi les questions, j'ai mentionné le fait que pour pouvoir exceller dans la quête du savoir, on a besoin de se libérer, de pouvoir se consacrer, de libérer son emploi du temps pour pouvoir se consacrer au savoir. Cependant, certains frères résidant en France arrêtent de travailler et focalisent sur la quête du savoir, alors qu'ils sont en terre de mécréance, ils sont en France. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire pour eux? Qu'ils fassent des efforts dans le fait de rassembler de l'argent pour faire la hijra, ou qu'ils renoncent au rassemblement d'argent et au fait d'avoir une source de revenus pour se consacrer à l'acquisition du savoir alors qu'ils restent en France. Le cheikh a expliqué dans une réponse très concise que la hijra est prioritaire parce que c'est une obligation. Non. Cela dit, walil alhamd, il y a de nos jours un moyen de concilier entre les deux. Et là, j'ouvre ici une parenthèse avant de conclure cette assise. C'est-à-dire qu'une personne qui est au courant du jugement de la Hijra et qui sait qu'il doit donc quitter le territoire français, pendant sa période durant laquelle il va se préparer à la Hijra et être dans une, et faire les causes afin d'être dans une situation lui permettant d'émigrer en terre d'islam, il peut apprendre en même temps sa religion. Il peut apprendre les sciences de la langue arabe. Il peut apprendre le Coran. Il peut apprendre les sciences religieuses en même temps. Walil. Et pour ne citer qu'un exemple, dans le merkez de l'imam Al-Shafi'i, le merkez dont le directeur est notre cher Yani Abul Harith Ahmed Badoukhoun, une session va, y en a des sessions vont commencer dans le mois d'octobre. Il y a une session d'enseignement du Coran en Warsh, pour y en a avec un professeur francophone et une professeure francophone, qui enseigneront le Coran. Ils aideront à la révision, ils enseigneront les règles de tajwid afin de réciter le Coran correctement. Pour ceux qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire, il y aura une session de Nourania pour les hommes et une pour les femmes. Ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre l'alphabet, pour pouvoir savoir lire le Coran, pour pouvoir lire les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui savent déjà lire et écrire et qui ont déjà du Coran et qui veulent apprendre la grammaire arabe, le vocabulaire arabe, les sciences de l'islam. Il y a le programme de l'université de Riyad, l'université de Al-Imam, qui est l'université dans laquelle Cheikh Al-Uthaymeen a étudié, dans laquelle Cheikh Al-Haydan a étudié, dans laquelle Cheikh Al-Fawzan a étudié, dans laquelle le mufti actuel d'Arabie Saoudite a étudié. Cette université dispose d'un institut d'enseignement dans la langue arabe à ceux qui ne la parlent pas. Et ce programme-là a été réutilisé, a été amélioré, a été rendu plus concis et adapté aux besoins des Occidentaux. Et ce programme est enseigné dans le merkez de l'imam Al-Shafi'i. Il y a le Mustawa al-Awwal, le niveau 1, qui est enseigné pour les hommes et pour les femmes par des professeurs francophones. Et à partir du niveau 2, vous pouvez étudier avec Cheikh Ahmed Badoukhoun en personne, chez les hommes et chez les femmes avec une professeure. Et pour ceux qui ont un niveau au-dessus encore, il y a une session sur Al-Ajurumiyya, qui est un livre de référence dans l'étude de la grammaire, qui sera enseigné par Cheikh Ahmed Badoukhoun lui-même pour les hommes. Toutes ces sessions et toutes ces opportunités d'apprendre votre religion et d'apprendre des sciences de la religion sont mises à votre disposition. Vous pouvez, pendant la semaine, vous livrer à votre activité professionnelle et durant certains jours de la semaine ou selon certains jours du week-end, selon le programme et dans la session dans laquelle vous vous inscrirez, vous pourrez alors joindre entre préparer la hijra, avoir une source de revenus, vous préservant de mendier et de quémander aux autres, vous permettant d'avoir une indépendance financière et de pourvoir aux besoins de votre famille, tout en apprenant la religion, tout en apprenant le Coran et la Sunna à la ferme et salaf. Donc Allah nous accorde à tous le succès dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée. Et j'ai posé d'autres questions au cheikh, mais j'en ferai la traduction à une autre occasion. Car certaines questions, le cheikh a dit qu'il y répondra par la suite. Notamment, j'ai posé une question concernant les sœurs. Comment une femme musulmane, avec la responsabilité et les devoirs qu'elle doit, les devoirs qu'elle a vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants, comment elle fait pour étudier le savoir? Je lui ai posé également une question, quelles sont les priorités dans l'acquisition du savoir? Et il y répondra par la suite. Donc, nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs, de nous accorder le succès ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il m'accorde à moi ainsi qu'à vous une bonne fin, et qu'il nous accorde une science bénéfique, qu'il nous fasse bénéficier de la science qu'il nous a accordée, et qu'il nous préserve d'une science qui ne nous serait jamais bénéfique, et qu'il fasse que notre science que nous allons acquérir dans cette vie soit une preuve en notre faveur yawm al-qiyamah et non pas en notre défaveur. Hada wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.